Cette camionnette roule à 70 km/h. Et je suis bien trop proche d'elle. L'intervalle de sécurité doit être au minimum de 2 secondes, ce qui correspond approximativement à une 40aine de mètres. Et encore, c'est un minimum, car les feux stop de la camionnette ne sont pas visibles. En cas de freinage brusque, le temps que je réagisse et que mon pied atteigne la pédale de frein, j'aurai déjà heurté les portières de la camionnette. Je suis moi-même suivi de très près, je laisse donc du large. Réponse A.